Marié depuis midi, par William Busnach et Armand Liorat. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Rôle du narrateur et rôle d'Estelle Paradis, lu par Saner Myriam. Le théâtre représente un très petit salon. À droite, une fenêtre en pan coupé, porte au fond, porte latérale. À gauche, un placard, une cheminée avec feu allumé, un canapé non loin de là. À droite, une table recouverte d'un tapis et sur laquelle est une lampe allumée. À gauche, un petit meuble bureau. Sur la cheminée, une pendule et des candélabres, le tout sans grand luxe, mais très confortable. Au lever du rideau, Estelle est seule en scène, en toilette de mariée. Elle est à la porte du fond et tourne le dos au public. Estelle à la cantonade. Allons, adieu, ma petite mère chérie. Non, vrai, je t'assure que j'aime mieux me défaire seule. Bonsoir, je t'en supplie, ne pleure pas. Elle referme la porte et redescend. Elle ne voulait pas s'en aller, maman. Elle prétendait que ce n'est pas l'usage qu'une mère laisse sa fille toute seule dans un moment si solennel. Elle voulait absolument attendre auprès de moi que monsieur Anatole. Mais moi, je n'ai pas voulu. J'ai besoin de rassembler mes idées. Car je ne rêve pas. Me voilà chez mon mari. Mon mari. C'est qu'il n'y a pas à dire. Je suis mariée. Ce matin, quand je me suis levée, j'étais encore mademoiselle Simonon. Et depuis midi, je m'appelle madame Anatole Paradis. Voilà bientôt 12 heures de cela. 12 grandes heures. Quelle journée, mon Dieu! J'ai cru que je n'en verrais jamais la fin. Heure. Dès 6 heures, à ma toilette, tout en pleurant, maman procède, et l'on me met en blanc des pieds à la tête. C'est un symbole, il paraît, puis un carrosse de remise vient me chercher et nous voilà tous quatre partis pour l'église. Maman et moi, mon futur et papa. Pendant la messe, Anatole me passe une bague au doigt. Ça, c'est encore un symbole. Je ne sais pas bien pourquoi. Aussitôt la cérémonie, nous passons dans la sacristie. Les parents, les amis, chacun me saute au cou, et mon cousin Jules surtout, m'embrassant, me serrant beaucoup. La noce remonte en carrosse, clic, clac, on va faire le tour du lac. À la cascade, l'on descend. Et tout le monde en enfilade passe dessous, j'en fais autant. Est-ce encore un nouveau symbole? Ce que je sais, c'est qu'Anatole s'est permis dans l'obscurité un peu trop de vivacité. Une heure à peine, on se promène, puis nous quittons le bois, et sans autre délai, d'un trait le cocher nous mène, dîner chez le Mardelet. On mange, on boit, on s'émancipe. À la gaieté, je participe. Quant au dessert, je sens soudain près de mon pied se glisser une main. et reconnais celle de mon cousin. Jules, voulez-vous bien vous taire, que je m'écrie, on rit, calme-toi donc, c'est un symbole, me dit-on. Toujours le plus jeune garçon doit détacher la jarretière. On se partage les rubans et sans perdre de temps, on s'élance à la contredanse. J'aurais ma foi de l'embarras s'il fallait compter tous les bras qui m'ont pressé, qui m'ont froissé. Jamais autant je ne fus embrassée. Enfin, vers 11 heures, d'un air malin, je vois qu'on sourit, qu'on chuchote. Maman s'approche et d'un ton qui tremblote me dit: Estelle, allons-nous-en. En rougissant, espérant, redoutant des choses que j'ignore, en ce logis je viens de pénétrer, me demandant s'il reste encore quelques symboles à me montrer. Me voici donc chez lui, chez moi au fait, car enfin, c'est pour nous deux que M. Anatole a loué ce petit bijou d'appartement, notre nid, comme il dit depuis 8 jours en faisant des yeux malins. Pourquoi donc fait-il des yeux malins depuis 8 jours? Le fait est que c'est un peu drôle, un nid, au second, rue du Sentier. Mais voilà, papa, qui n'a jamais quitté la toile, a voulu absolument que nous restions dans le quartier. Et puis la maison appartient à M. Dumont, celui qui a fait notre mariage. M. Anatole, au fait, je peux bien dire Anatole tout court. Il faut même que je commence à m'y habituer à dire Anatole tout court. Anatole est son filleul, et je crois bien que si M. Dumont a tenu à ce que le mariage se fît, c'est surtout pour louer son petit second qui était vacant depuis 3 termes. Mais ça ne fait rien, je lui en sais bon gré tout de même, parce qu'entre nous, je n'avais guère envie de planter sur ses cheveux-là le bonnet de Sainte Catherine. Et puis c'est un homme très bien, ce M. Dumont, et demeure très austère, à ce qu'il paraît. J'ai souvent entendu maman dire en parlant de lui: c'est un homme de mœurs très austère. Et papa ajoutait: un Joseph, quoi. Réfléchissant. Son petit nom est Amilcar. Pourquoi donc papa l'appelait-il Joseph? Ça veut sans doute dire un homme qui se conduit très bien. J'espère que mon mari est aussi un Joseph. Regardant la pendule. 11h35. Et c'est à minuit. À minuit juste qu'Anatole... Tiens, me voilà presque habituée à présent. Qu'Anatole, qui est resté chez le Mardelet, à faire le bésigue de papa, viendra me retrouver. Il aurait bien voulu venir tout de suite à Anatole. Il se levait déjà quand il m'a vu partir. Mais papa n'a pas voulu. « Du tout, monsieur, du tout !» lui a-t-il dit. « Estelle doit entrer sous l'aile de sa mère au domicile conjugal. On vous préviendra. » Anatole s'est rassis tout piteux. Et là-dessus, papa m'a embrassé sur le front. « Oh, sans émotion, lui !» Pas comme mon cousin Jules. Puis il a ajouté: faites attention, jeune homme, je vois votre jeu. Mais l'heure marche et il va venir. Dieu que j'ai peur. Pourquoi donc ai-je si peur que ça? Il n'a cependant pas l'air méchant, Anatole. Oh non, au contraire. Mais c'est plus fort que moi. Il me semble que demain j'aurai moins peur. Non, mais est-ce bête d'avoir peur comme ça? Ça me fait monter le sang à la tête. Elle se débarrasse de sa sortie de bal qu'elle avait gardée entr'ouverte et la jette sur un fauteuil. Un papier tombe à terre, elle le ramasse. « Tiens, qu'est-ce que c'est que ça ? Ah oui, la lettre qu'on m'a remise ce matin au moment où je montais en voiture. Je ne l'ai même pas regardée, j'avais bien la tête à ça. Encore un prospectus, probablement. Vous ne vous imaginez pas ce qu'on reçoit de prospectus quand on est sur le point de se marier. » Et de bien drôles encore. Je les ai tous gardés pour me les faire expliquer par Anatole. Elle regarde la suscription. Tiens, mais c'est l'écriture de Valentine. Valentine, ma meilleure amie de pension. Oh, comme il y a longtemps que nous nous sommes perdus de vue. Mais c'est juste, elle s'est mariée il y a 15 jours, elle aussi. J'ai reçu sa lettre de faire part. Confidentiellement. Et nous nous étions bien promis autrefois que celle de nous deux qui se marierait la première écrirait tout de suite à l'autre. Elle a tenu sa promesse. Ah, c'est gentil à elle. En voilà une lettre qui arrive joliment à propos. Elle ouvre vivement la lettre. Rondeau. Lettre de Valentine à Estelle. Quoique mon temps, ma chère Estelle, soit fort rempli, tu le conçois, cependant je reste fidèle à notre serment d'autrefois. Je veux dans mon rôle de femme te raconter mes premiers pas, donc c'est fait, me voilà, madame, et c'est bien simple, tu verras. Le jour même du mariage, mon époux et moi sans façon, nous avons pris, suivant l'usage, le chemin de fer de Lyon. Afin d'avoir plus large place, Jules avait loué pour nous deux un wagon de première classe, tu penses s'il était heureux. Seul avec lui, quel trouble extrême, il s'approcha d'un air câlin, et murmurant que je vous aime, doucement il me prit la main. En tremblant je le laisse faire, quand un employé peu discret, ouvrant brusquement la portière, nous demanda notre billet. Fontainebleau, le train s'arrête, et comme il n'était pas trop tard, Jules propose en tête à tête une excursion à Franchard. Nous sautons dans une calèche, fouette cochée, et d'un seul trait, nous franchissons comme une flèche 3 kilomètres de forêt. À Franchard, on met pieds à terre, et là comme deux amoureux, bras enlacés dans le mystère, nous suivons les sentiers ombreux. Mais voilà que le soir s'avance, après quelques détails encore, que je te passe sous silence, nous rentrons au chariot d'or. Dieu, quelle chambre à peine close, des rideaux blancs percés de trous, au mur un méchant papier rose qui n'avait pas coûté 6 sous. Pour meuble de chaises vulgaires, un vieux fauteuil rouge en damas et quelques estampes un peu grossières, Bélissère et Léonidas. Eh bien, ma chère étrange chose, quand jusqu'à 100 ans je vivrai, cette petite chambre rose, non, je ne l'oublierai jamais. Ah, j'en aurai long, mon Estelle, à te conter, mais il suffit. Toi, tu n'es qu'une demoiselle, et déjà je t'en ai trop dit. Adieu, tu m'en voudras peut-être, on te mariera comme moi, si j'interromps ici ma lettre, ton mari te dira pourquoi. Avec désappointement. C'est tout? Me voilà bien avancée. Ah, ces femmes mariées, sont-elles cachotières? Après ça? Elle regarde la pendule. -20. Elle froisse la lettre et se met à examiner autour d'elle. C'est gentil ici, et puis à 2 pas du boulevard. Elle va à la fenêtre dont elle soulève légèrement le rideau. Juste vis-à-vis ma nouvelle connaissance, Madame Pinson, la femme du receveur des contributions, qui est l'amie de mon mari. Oh, il a de très belles connaissances, mon mari. Ce n'est pas étonnant, il est sous-chef de bureau au ministère. Et l'on m'a assuré qu'une fois marié, ce serait très facile de le faire décorer. Il paraît que c'est un très gentil ménage, les pinsons. Et papa disait l'autre jour, « Mais ce ne sont pas des pinsons, ce sont des tourtereaux. » Nous aussi, peut-être que nous serons des tourtereaux. Voici notre nid, comme dit Anatole. Et un beau petit nid encore. Tout à l'heure, en entrant, j'ai vu, je pleurais dans les bras de maman, mais j'ai vu tout de même, une petite antichambre qui a très bonne façon. Regardant à gauche. Qu'est-ce qu'il y a là? Ouvrant la porte. Ah, c'est la salle à manger. Allant à droite. Et par là? c'est la chambre !» Elle redescend toute rêveuse et se regarde machinalement dans la glace en s'accoudant sur la cheminée. « Ma pauvre couronne, je crois bien qu'il est temps de l'ôter. » Elle détache lentement sa couronne et son bouquet. Couplet 1. Quitte mes cheveux et ma robe, petite fleur, puisqu'il le faut. Mais sois tranquille sous un globe, on va t'encadrer au plus tôt. Avec regret de ma coiffure, je te vois tomber sans retour. Il paraît que cette parure ne peut se porter qu'un seul jour. Refrain. Allons, tant pis contre l'usage. Je ne prétends point m'insurger. C'est dommage, ma pauvre fleur d'oranger. 2. Depuis tantôt, chacun déclare que cette fleur me va fort bien. Un jour de plus, chose bizarre, voilà qu'elle ne vaut plus rien. Comment elle faisait merveille à mon corsage et puis soudain. C'est étrange, pourquoi la veille et pourquoi pas le lendemain. Allons, tant pis, etc. En attendant, je vais la serrer délicatement pour la mettre à l'abri de la poussière. Elle la pose sur la table. Voyons, où vais-je l'enfermer? Comme c'est gênant quand on ne connaît pas les êtres. C'est que je ne connais pas les êtres. Heureusement qu'Anatole me les montrera. Allant au placard. Ah, voilà justement. Elle l'ouvre. Une armoire. La garde-robe de mon mari. Et là, le panier de la blanchisseuse. Elle tire de l'armoire un panier recouvert d'une serviette. Il n'est même pas défait, comme ces garçons sont peu soigneux. Du linge d'homme. À la maison, c'est moi qui rangeais le linge de papa. Mais il me semble que ça ne doit pas être la même chose. Voyons vite. S'arrêtant. Ce qui m'a toujours plu dans Anatole, c'est qu'il a du très joli linge. Elle découvre le panier et tire un peignoir garni de dentelles qui se déplie. Hein? Qu'est-ce que je vois là? C'est mon mari, ça? Il porte de la Valenciennes? De la Valenciennes à 12 francs le mètre? Elle regarde vivement la marque. B.A. Elle cherche. Ce n'est pas sa marque. Qu'est-ce que ça veut dire? Serait-ce à une femme par hasard? Mais mon mari habite ce logement depuis 6 semaines. Une femme y serait donc venue avant moi? Pourquoi faire? Elle y aurait laissé son peignoir? Qu'est-ce que ça peut être que cette femme-là? Il n'a pas de proches parentes. Et puis d'ailleurs. Mais alors, ce serait donc une vilaine femme? Oh mon Dieu! Et il y a peut-être longtemps que ça dure, ces infamies-là. Elle prend le livre de la blanchisseuse, lisant. Du 26 août, 4 mouchoirs de batiste fine. Du 19, 2 bonnets. Du 12, 1 chemise en jaconat. Du 5, 3 jupons. Avec un cri. Mais ce n'est pas possible, voyons. Anatole qui a l'air si gentil. Il serait donc... Je ne sais pas comment ça s'appelle, moi. Ah, que je suis fâchée d'avoir envoyé maman. Il y a plus longtemps que moi qu'elle est mariée. Elle doit avoir l'expérience de ces choses-là. Voyons, ne perdons pas la tête. Il est évident que cette personne qui fait laver son linge chez mon mari doit avoir laissé ici d'autres traces de son passage. Sur cette table, rien. Dans ce placard, un habit, une redingote, une robe de chambre, un gilet, 2 gilets. Tout ça est parfaitement régulier. Ah, un pantalon. Elle le prend. J'ai souvent entendu dire qu'il y avait des femmes qui portaient là. Mais on ne parlait pas de pantalon. Elle le rejette dans l'armoire. Cherchons ailleurs. Dans ce petit meuble. Elle ouvre. Des tiroirs. Elle ouvre un tiroir et en tire quelques objets qu'elle montre en les nommant. Une pipe, une paire de gants, 8 et demi, c'est le numéro d'Anatole. Ouvrant un autre tiroir. Rien dans celui-ci. Un troisième. Ah ! Elle trouve une petite boîte, l'ouvre et en tire un médaillon suspendu à un velours noir. Je crois que cette fois c'est significatif. Avec des cheveux dedans et des cheveux d'Anatole. Quelle infamie! Elle jette le médaillon par terre. C'est affreux. C'est un misérable. Ah, ah, maman! Maman, mes nerfs! Elle tombe sur le canapé, en proie à une violente crise nerveuse, puis brusquement elle s'arrête, semble réfléchir, se lève, va mettre le verrou et revient au canapé sur lequel elle se laisse tomber, reprenant son attaque de nerfs. Au secours, je me meurs, je veux m'en aller, je ne veux plus être Madame Paradis. Maman, maman! Elle s'arrête de nouveau subitement. Soyons fortes, calmes et dignes. Regardant la pendule. Minuit moins le quart. Je n'ai que le temps d'abandonner ce domicile souillé par d'épouvantables orgies. J'en sortirai comme j'y suis entrée, sans que ma conscience me reproche rien. Je vais m'en retourner 27 rue Guénégan au 3e. Là, je dirai à papa, pourvu qu'il n'ait pas perdu au Bésigue, papa. Je lui dirai, papa, le mari que vous m'avez choisi est un monstre. Je l'ai quitté. Donnez-moi un autre. Oui, oui, c'est cela. Partons. Elle prend sa sortie de bal et la remet sur ses épaules. Et quand je pense que tantôt, au bois de Boulogne, en passant sous la cascade, il me jurait n'avoir jamais aimé que moi, je veux qu'il sache que je ne suis pas dupe. Je vais lui écrire. Et de la bonne encre. Où y en a-t-il? Du papier? Des plumes? Dieu que c'est ennuyeux de ne pas connaître les êtres. Mais ce n'est pas Anatole qui me les montrera. Ah, sur ce livre, avec le crayon de mon carnet de bal. Elle écrit. Monsieur, ne comptez plus sur moi. Ma résolution est définitive. Vous pouvez rappeler près de vous la créature dont le linge déshonore votre domicile en même temps qu'il révèle la déloyauté de vos sentiments avec lesquels j'ai l'honneur d'être. Estelle Simoneau, ex-femme paradis. Là, mettons cela bien en vue, sur la pièce à conviction. Elle place le livre sur le peignoir qui est resté sur le canapé. Je peux me dispenser de mettre l'adresse. Le nom est sur la couverture. Lisant. Livre de blanchissage appartenant à monsieur. Reprenant le livre et lisant avec étonnement. À monsieur Amilcar Dumont. Ah, ça n'est pas Anatole, c'est au propriétaire. Oh Joseph, ah, bien merci. Il reçoit de jolis peignoirs, le monsieur aux mœurs pures. Mais comment? Je devine, la blanchisseuse se sera trompée d'étage. Alors, Anatole serait donc innocent. Est-ce drôle comme je me suis vite habituée à dire Anatole tout court? Un instant, et ce médaillon? Allant le ramasser et l'examinant attentivement. Tiens, il y a quelque chose de gravé dessus. Lisant. À ma petite Estelle, souvenir du 18 septembre. Comment, le 18 septembre? Mais nous ne sommes que le 17. Regardant la pendule. Ah, ça va être bientôt le 18. Il comptait probablement me l'attacher au cou demain matin. Laissons-lui ce petit plaisir-là. Faisons semblant de n'avoir rien vu. Elle remet le médaillon et la boîte dans le tiroir. Est-on ridicule de se faire des idées? Comme c'était simple tout ça. Et quand je pense qu'il a suffi de ce peignoir... Attends, attends, je vais le ranger son linge au Joseph. Il le retrouvera demain matin. Tiens, tiens. Elle ouvre la fenêtre et la referme après avoir jeté le panier, soulevant le rideau. Tiens, il y a de la lumière en face, chez les Pinsons. Ils viennent de rentrer du bal, de notre bal. Chanson 1. Faisant un signe de la main à l'autre maison. Bonsoir voisin, bonsoir voisine. Se retournant vers le public. Non, ils causent au coin du feu. Elle regarde de nouveau. Madame Haute s'appelle Rine. Tiens, monsieur se rapproche un peu. Il lui prend la main comme on s'aime de l'autre côté des carreaux. Assez bien gentil tout de même, un ménage de tourtereau. 2. Tiens autour de sa taille souple, voilà que son bras est passé. qu'ils sont charmants, le joli couple, ainsi gentiment lacés. On dirait un tendre poème comme on en voit dans les tableaux. Assez bien gentil tout de même, un ménage de tourtereau. 3. Je ne vois plus ce qui se passe, cesserait-il d'être d'accord? Pas du tout, voilà qu'il embrasse, il embrasse même très fort. Oh, c'est un très mauvais système de ne pas avoir de rideau. Poussant un cri de surprise, puis souriant. Assez bien gentil tout de même, un ménage de tourtereau. On entend frapper à la porte. Ah, mon Dieu! C'est lui, c'est Anatole! Regardant la pendule. Mais il n'est que minuit moins cinq. Très naïvement. C'est peut-être que sa montre avance. Elle se dirige vers la porte du fond dont le verrou est tiré. Le rideau baisse. Fin de Marié depuis midi par William Busnach et Armand Liorat.